Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, les relations post-coloniales difficiles au Royaume-Uni. Alors que le Brexit, depuis l'apparition même de son idée, s'accompagne d'un discours qui se veut rassurant sur les capacités du Royaume-Uni à continuer de rayonner grâce au réseau de ses anciennes colonies rassemblées dans le Commonwealth pour rester great, les tensions avec les ressortissants de ses alliés britanniques deviennent d'autant plus urgentes à aborder. Dans les salles, aujourd'hui, le film Babylone de Franco Rosso de 1980 bénéficie d'une nouvelle sortie et on s'en réjouit. Babylone, c'est la chronique des déambulations de Dave alias Blue, jeune Britannique d'origine jamaïcaine à Brixton dans la banlieue de Londres au tournant des années 70 et 80. Dave travaille dans un garage, il hésite à être amoureux d'Hélène jusqu'à ce qu'elle se lasse. Blue passe la plupart de son temps à organiser les concerts du week-end, les battles de reggae qui opposent son champion, Ital Lion, à son concurrent sur la scène reggae, Jashaka, et à pister les derniers disques tombés du bateau en provenance d'une Jamaïque qu'il n'a jamais connue. Car Dave a passé sa vie là, le jus de béton des trottoirs de sa banlieue lui coule dans les veines, ce qui ne le protège pas des petites ou des grandes agressions racistes. Babylone, c'est l'histoire d'une descente aux enfers. You fuck off back to your own country, you jungle bunny, and you! This is my fucking country, lady, and it's never been fucking lovely. It's always been a fucking tip, for as long as I can remember. So don't fucking tell me, right? Because I'm in a fucking... Une voisine lassée du bruit qui sourd du hangar où le groupe de Blue répète les noix sous un flot d'insultes racistes avec le plus pur accent cockney. Biff, le gaffeur de la bande, répond qu'il est autant chez lui qu'elle-même et que non, le quartier n'était pas plus charmant avant leur arrivée puisque né ici, il peut témoigner que l'ambiance sinistre des rues alentours a toujours eu cet air de désolation. L'histoire de Dave et de ses proches est celle de vies patiemment construites, discrètement vécues avec de grands rêves de musique et plus modestement avec le désir de gagner un peu plus et plus régulièrement pour s'installer dans cette petite classe moyenne laborieuse britannique, justement celle de la voisine acariâtre. Une trajectoire menacée chaque jour par les provocations et les possibles dérapages lorsqu'un jour sans, Blue répond aux agents de police qui s'amusent à le chasser alors qu'il rentre chez lui à la nuit tombée. Des relations interraciales toujours au bord de l'explosion où le jeune Blue n'a de choix que de se taire ou d'y perdre. Un jour d'épuisement ordinaire, il sort de ses gonds et la situation bascule. We can't take no more of that. Lion say, we can't take no more of that. I tell Lion say, we can't take no more of that. Cause we know sex is for 100 years, and it's the same kind of living. Brutality, hypocrisy, same immorality. We can't take no more of that. On ne peut plus en supporter davantage parce que 400 ans plus tard, rien n'a changé. Ce sont les paroles du dernier morceau musical du film qui en compte beaucoup, chanté par Dave alias Blue, alors qu'une descente de police interrompt un concert très attendu. Babylone, c'est une histoire de la banalité du racisme dans l'Angleterre des années 70, casée dans un coin de la mémoire nationale, un ordinaire qui s'est ensuite transformé en une indifférence, incarnée depuis 2017 par le scandale Windrush. Alors que le gouvernement conservateur appliquait une politique d'instauration d'un environnement hostile aux migrants clandestins, près de 60 000 descendants de travailleurs caribéens, venus reconstruire la Grande-Bretagne qui en avait bien besoin après la Deuxième Guerre mondiale, la génération de Dave donc, ont brutalement été menacés d'expulsion. Le motif, si le droit de s'installer durablement leur avait été donné, l'administration n'avait pas cru utile de leur délivrer les documents qui en faisaient foi, et les tickets de débarquement prouvant la date de leur entrée sur le territoire avaient disparu. L'indignation de ces citoyens britanniques sans papier a été ignorée pendant plusieurs mois avant que le gouvernement de Theresa May ne présente ses excuses pour cet impaire, à l'heure où le Commonwealth tient lieu d'horizon d'avenir à une Grande-Bretagne hors de l'Union européenne. Merci beaucoup Anaïs Kien. Le journal de l'histoire, celui-là et tous les précédents sont à écouter et à podcaster sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.